pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. On va parler de football. On sait qu'à toutes les semaines, on a une chronique pour parler de football, pour savoir un peu comment ça va pour nos joueurs du Haut-du-Lac qui s'alignent avec les Cougars de Chicoutimi ou encore les Gaillards de Jonquière. Et cette semaine, on va parler avec un joueur de Dolbeau-Mistassini. Ça fait longtemps je parle de lui assez régulièrement dans le bulletin de sport local pour ses performances. C'est Jordan Fortin. Salut Jordan. Bonjour. Jordan, tu joues comme porteur de ballon avec les Gaillards. Première année, ça va super bien. Est-ce que tu t'attendais vraiment à ça? Je m'attendais pas vraiment à ça parce que la saison avait commencé dur un peu. On était trois, puis il y avait une autre compétition, puis les gars étaient bons aussi. Puis en plus, j'avais pas joué l'autre saison, mais ça a bien été, j'ai bien ressorti. Est-ce que ça t'a mis beaucoup le fait que t'as pas joué avec Saint-Félicien, t'as pas joué avec Saint-Félicien finalement? Ça a dû te nuire à ton développement, ça? Ben, ça a nuit, mais pas beaucoup. Tu sais, je suis resté enfant pareil, j'ai joué au hockey, là. Niveau IQ football, là, Saint-Félicien, il nous a appris des choses, mais pas autant que ça. OK. Le cahier de jeu, comment tu trouves ça? Est-ce que apprendre le cahier de jeu niveau collégial, ça a été très compliqué? Non, à ma position, c'est pas compliqué. On n'a pas beaucoup de jeux. C'est tout le temps le même jeu. C'est surtout les receveurs qui sont plus durs. Oui, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, Jordan, si on parlait, dans quel département tu es? Je suis dans le département de génie électrique. OK. C'est-tu une possibilité d'université? Y a-t-il une possibilité pour toi de jouer à l'université? Ben là, première année encore, là, on ne pense pas encore à ça. Là. OK. On va peut-être faire à l'université pour faire des études. Là. OK. Comment ça va les études? Parce que ça, c'est extrêmement important pour la suite de ta carrière de football. Si tu n'as pas d'études, si ça ne marche pas, à quelque part, tu ne pourras pas marquer sur le terrain. Comment ça va là-dessus? Ça va super bien. À part en français un petit peu, j'ai plus de difficultés. Là. Voilà, je travaille et ça va être bon de passer ce cours-là. Mais pour ça, numéro 1. OK. Le ménage à 3 comme porteur de ballon, comment tu trouves ça? Ben, moi, sérieux, j'aime ça. Parce que t'es. Tu sais, mettons, quand t'es tout seul, là, tu deviens fatigué. Là, mettons, à 3, comme ça, t'es jamais fatigué, mais t'es tout le temps à 100%. OK. Fait que c'est fun pour ça. Puis, tu sais. T'es mon chum, les gars. OK. T'es ben ami. OK. Toi, normalement, quand on utilise un système à 3 porteurs de ballon, c'est qu'il y en a un qui a de la finesse, il y en a un autre qui court en puissance. C'est quoi, toi? T'es-tu un porteur de ballon qui court en finesse ou en puissance? Ben, je suis plus un porteur de ballon de puissance. OK. C'est de finesse. OK. Courant. Donc, généralement, tu utilises quoi au quatrième quart ou pour un peu briser ou... Non, ben, ouais. C'est vraiment, on s'alterne, tu sais, il y en a un qui fait une drive, l'autre fait un autre, tu sais, on roule. OK. Des fois, on est deux dans le champ arrière aussi, fait que ça va plus vite. Ouais, c'est sûr. Pas que fatigué, nous. OK. Est-ce que tu joues comme centre arrière aussi? Est-ce qu'on t'utilise comme centre arrière également? Non. Non? OK. Aussi, là maintenant, on est en demi-finale. Comment tu vois ça, les séries, les matchs en fin de semaine? Ouais, ben, je suis confiant pour la fin de semaine. C'est un gros club, l'autre bord, mais je pense qu'on va être capable. Là. Ils mettent pas beaucoup de monde dans la boxe. Puis, OK. On va peut-être plus courir. OK. Dis-moi, j'imagine qu'on est confiant du côté des Gaillards pour ce match-là? Ouais, ben, c'est un gros club, là. Il faut leur travailler, là. OK. L'adaptation, comment ça se passe au cégep? Parce que je sais que tu es de Dolbeau-Mistassini. Ça a-tu été difficile la première année au cégep? Football, l'appartement, ainsi de suite? Non, pas vraiment. Ça a super bien été. Tu sais, je suis pas souvent à l'appartement. On a des pratiques à tous les soirs. OK. Genre vers 9h. que... Tu as des heures de cours, j'imagine, aussi. Ouais, j'ai 32 heures de cours. Fait que ça, tu fais quand même un homme occupé pareil, tu sais, football, ensuite de ça, le football, c'est quoi? C'est à tous les soirs? Ouais. OK. Tous les soirs, on a une pratique, sauf le lundi. Ah, OK. Ben, Jordan, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est un nom qu'on entend parler régulièrement, première année. Je pense que, il me semble que c'est ton deuxième match, tu avais réussi 172 verges au sol, c'était ça? Ouais. OK, donc deuxième match de l'année, ça avait été vraiment exceptionnel. On va te souhaiter la meilleure des chances et merde pour en fin de semaine. Ouais, merci. De Dolphins, ça c'est Jordan Fortin.